بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل سورة الدوزيام بار سورة الدوزيام إن شاء الله تعالى سورة شروط الصلاة بكونديسيون للصلاة. الشرط الرابع الكاتريم كونديسيون الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. Quatrième condition, le fait de purifier ou d'enlever l'impureté sur son corps, sur son vêtement et sur l'endroit où on prie. Le fait d'enlever l'impureté, d'être exempt d'impureté, de ne pas avoir d'impureté en tout cas, que ce soit sur son corps, sur son vêtement ou à l'endroit où on prie. قال الله تعالى وثيابك فطهر. الله يجزي سبحانه et ton vêtement purifie-le. Tes vêtements purifie-le. Et dans surat Al-Mudaththir. Qu'est-ce qu'un najasa? L'impureté. Ibn Hazm en donne une définition. Il en donne une définition générale. يجمعها أن كل شيء أمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باجتنابه أو جاء نص بتحريمه أو أمر كذلك بغسله أو مسحه فكل ذلك فرض يعصي من خالفه. يجي في toute chose qu'Allah a ordonné sur la langue de son messager de s'en écarter. De s'en écarter. Donc il a interdit. Donc il a ordonné de laver ou d'enlever ou de frotter. Bon. Si vous voyez dans un texte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, lavez-la, frottez-la, etc., etc., c'est que cette chose est impure. Tout ça, c'est dans le Muhalla, le Mujadd al-Awwal, surah 105. Cela, ça nous indique plusieurs choses. C'est que al-najasat tawqifiyya, tout ce qui est, pour déterminer si une chose est impure, on a besoin d'un nas, d'un texte, du Coran de la Sunna. La majal al-aqlifi, c'est pas en fonction ni de la raison, ni de ton raisonnement, ni de ce qu'ils ont dit pour ça, c'est en fonction du Coran et de la Sunna. Ça, c'est la première base. La deuxième base sur cette question-là, an al-asli fil ashiya al-tahara wal-ibaha. La base dans les choses, hein, dans les vêtements, dans les endroits, c'est la pureté. C'est-à-dire que tout est pur jusqu'à preuve du contraire. Ça, on l'a déjà expliqué dans les doros sur al-tahara. Et Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, وإذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرة أعاد. وجملة ذلك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي في المغني المجلد الأول صفحة 60 أو 200. ابن قدامة رحمه الله الدين. Celui qui n'est pas, dont les habits ne sont pas purs, et dont l'endroit où il prie n'est pas pur, doit refaire sa salat. Cela, car le fait de purifier, d'être exempt d'impureté, sur le corps de celui qui prie, ou sur son vêtement, sont des conditions de validité de la salat. Shartu sihhati lis-salat. C'est une des conditions de validité de la salat pour la majorité des gens de science. Parmi eux, Ibn Abbas, parmi les Sahara, Saïd Moussaïb, parmi les Tabi'in, Qatada, et parmi eux, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Ashab al-Rahim. C'est dans le Mourni, المجلد الثاني صفحة 600 200، le volume demandé, la page, le volume 2, la page 260. Il dit ensuite Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, et la najasatu al-ma'fu anha kasir al-dam wa nahwi. Il dit, si sur le vêtement il y a une petite impureté qui est pardonnée, une petite quantité, d'accord, comme un peu de sang, cela n'est pas grave. Cela n'est pas grave. Et la personne n'a pas besoin de faire ses salats. Ça, on en a déjà parlé. On a déjà parlé de cette question-là. La question du sang. Et Ibn Qudama, il nous dit, rahimahullah, أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح. وممن روي عنه ابن عباس وابو هريرة وجابر وابن أبي أوفى. نعم. Il dit, la plupart des gens de science voient que un peu de sang, un peu de sang ou un peu de pu sont pardonnés. Et ceci est rapporté parmi les compagnons d'Ibn Abbas, d'Abu Huraira, de Jabir, etc., etc. D'accord? Donc si la personne a un peu de sang, c'est pardonné. Tout ça, c'est dans le Mourni. Tout ça, c'est dans le Mourni. On a déjà cité cette question-là, si je me souviens bien, dans les annulations de l'Odo. Et on avait rapporté à l'époque ce que rapporte l'Asra, Nafi' ibn Omar, radiallahu anhuma, كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما بالأرض وهما يقصران دما من شقاق كان في من شقاق كان في يديه. Il dit comme quoi Ibn Omar, il avait des plaies sur ses mains, il faisait Omar radiallahu anhu, ses mains saignaient et il faisait la salat. Il faisait la salat pendant que ses mains saignaient. Tout ça, c'est dans le Mourni, volume 2, page 173. Il dit Ibn Qudama rahimahullah, dans le Mustafiq, وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها. نعم فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. نعم Si la personne prie et qu'il a une impureté sur lui, d'accord, et qu'il ne le savait pas, il s'en aperçoit après la salat, hein, ou il le savait mais il a oublié. Il a dit, je vais le laver plus tard, par exemple, l'urine ou du sang ou quoi que ce soit que j'avais sur le vêtement. Je vais le laver plus tard. Et il a oublié, il a fait sa salat. Le Mokudama, il nous dit ici, sa salat, elle est sahiha, elle est bonne. Elle est pardonnée. L'oubli, dans ce cas-là, il est pardonné. S'il s'aperçoit qu'il a cette impureté pendant la salat, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'enlever cette impureté. Par exemple, d'enlever le vêtement sur lequel il s'est impureté. Vous voyez? De pousser cette impureté, que sais-je, hein, en fonction de l'impureté. D'accord? Si il fait cela, s'il l'enlève dans l'instant, il continue sa salat. Vous voyez? Vous avez compris? Il n'arrête pas sa salat. Il l'enlève pendant sa salat. Sinon, comme c'est venu dans l'Udda, Sharh al-Udda, وَإِلَمْ يُمْكِنُهُ إِلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ اسْتَأْنَفَهَا. Si jamais il ne peut pas faire cela sans de nombreux mouvements, etc., etc., il sort de sa salade et il recommence. Et ensuite, il nous explique là, il commence les sujets, c'est quoi les endroits, c'est quoi les endroits où il est interdit de prier. Il dit, rahimahullah, والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. La terre est tout entière un masjid, un lieu de prière, un lieu de prosternation, dans lequel la salat est valable, valide, valable. C'est-à-dire qu'on peut prier en tout lieu. Sauf les exceptions. Mais là-bas, c'est qu'on peut prier partout. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت للأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلوا حيث أدركته. Muttafaqun alayh. Jabir rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie. Et la terre m'a été faite, m'a été donnée comme purification et comme lieu de prière. Tout homme de ma communauté, qui est littéralement rejoint par le salat, c'est-à-dire qui est dans la salat, arrive, qu'il prie où qu'il soit. Qu'il prie où qu'il soit. C'est rapporté par le Bukhari aussi. Et ensuite, il cite des exceptions. Voilà. إلا المقبرة والحمام والحوش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. والبيتين. صف صف للسيمتير. للسيمتير. Cimetière est tout endroit où il y a des tombes. عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم. جندب بن عبد الله البجلي il a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant qu'il meure dire ce qui signifie ceux qui étaient avant vous prenaient les tombes de leurs prophètes comme mosquées, ne prenez pas les tombes comme mosquées, je vous interdis cela. C'est rapporté par Muslim. Le hadith il est clair. Et c'est une réponse à tout Al-Quburidin, tous les gens qui soit font des tombes, des lieux de prière pour Allah, dans ce cas-là ils sont des Mubtadi'a, soit carrément vont sur les tombes pour invoquer les gens des tombes, sacrifier pour eux, faire le tawaf autour de leur tombe, faire des mudur, des vœux pieux auprès de leur tombe, c'est-à-dire consacrer une partie de leur récolte, de leur bétail, etc., etc. Et ces gens-là sont des mouchékines. Et ces gens-là sont des mouchékines. Je vous renvoie aux deux autres. Voilà le Cheikh Abdelrahman ibn Hassan, rahimahullah ta'ala, le petit-fils de Cheikh Mohamed al-Durab, dans son explication de Kitab al-Tawhid, Fath al-Majid, il dit, قال شيخ الإسلام أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين وقال ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صفحة 14 و300 الشيخ عبد الرحمن حسن ابن تيمية أدي شيخ الإسلام أدي le fait de construire des mosquées sur les tombes est interdit dans tous les madhahib, toutes les écoles. Hein? Et dans cela, ils suivent les hadiths authentiques. Et nous, les gens de notre madhab à nous, c'est-à-dire les hanbalites, puisque Ibn Taymiyyah est hanbalite à la base, ainsi que les gens du madhab de Malik, de Shafi'i, ont dit que cela était interdit de construire les tombes sur les mosquées sur les tombes. Pardon. Il a cité les hadiths sur cela, puis il dit, Ibn Taymiyyah, ces mosquées qui ont été construites sur les tombes des prophètes, des pieux ou des rois, il est une obligation de les détruire. C'est une obligation de les détruire. Et je ne connais pas de divergence en cela entre les savants connus. C'est-à-dire, ceci, c'est une, il n'y a pas de divergence. C'est pas vraiment, c'est quasiment un ijma'a qui nous rapporte ici le Taymiyyah. Alors, pourquoi ulama al-su'? Pourquoi ashab al-masalih? Pourquoi Ashab al-Bida' wal-Ahwa, al-Shirk, pourquoi ils crient lorsqu'ils voient des tombes détruites ici ou là dans les pays, hein, à quels je fais allusion, hein, les tombes qui ont été détruites au Mali, les tombes qui sont détruites au Cham il n'y a pas longtemps, les tombes qui sont détruites en Égypte, hein. Et vous les voyez tous pleurer sur ces tombes de Shirk. Même les gens qui se prétendent salafis et qui prétendent suivre sérieusement, parce que certains frères, ont détruit certaines tombes en Égypte. Hein, on les a vus pleurer à la télé. Et non, c'était pas le maslaha. Et non, il fallait pas faire ça. Etc. etc. Donc ça, c'est la vie de tous les ulama. Le Taïmé et le site. Et je mets un. Et la salat, pour celui qui prie. Et la salat, pour celui qui prie dans une mosquée où il y a une tombe. Et Batila, comme l'a rapporté Ibn Hazm de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il dit ça, c'est le rapport des paroles de Salaf. De la vie le plus juste, c'est la vie de l'imam Ahmad. Et la vie de Ibn Hazm, c'est que celui qui prie dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe, sa salat elle est barate, elle est mariée, elle est tombée facile. Oui. A-t-il dit, Al-Maqbara, le cimetière, ça vaut pour même les tombes, hein, les tombes dans une mosquée. Ou Al-Hammam, et Al-Hammam, les bains publics. Les bains publics, on s'est rapporté dans le hadith, dans l'Abi Saïd, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وهو الخمسة إلا النسائي فصححه الألباني أبو سعيد rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la terre tout entière est un masjid sauf le cimetière et les bains publics. Ce hadith il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres. Il a été authentifié à notre époque par l'Albani. En ce qui concerne le hammam, Ibn Hazm dit, Rahmahullah, وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَمَّامٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَبْدَأُ بَابِهِ إِلَى مُنْتَهَى جَمِيعُ حُدُودِهِ وَلَا عَلَى سَطْحِهِ وَمُسْتَوْقَدِهِ وَسَقْفِهِ وَعَالِ حِطَانِهِ خَارِبًا كَانَ أَوْ قَائِمًا فَإِنْ سَقَطَ مِنْ بِنَائِهِ شَيْءٌ فَسَقَطَ عَنْهُ اسْمُ حَمَّام جَازَتِ الصَّلَاةُ فِي أَرْضِهِ حِينَئِذٍ ولا في مقبرة مقبرة المسلمين كانت أو مقبرة كفار فإن نبشت أخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها ولا إلى قبر ولا عليه ولو أنه قبر نبي أو غيره فإن لم يجد إلى موضع قبر مقبرة أو حماما عطما أو مزبلة أو موضعا فيه شيء أمر باجتنابه فليرجع ولا يصلي هناك جمعة ولا جماعة فإن حبس في موضع مما ذكرناه فإنه يصلي فيه. Et dit Ibn Hazm rahimahullah dans le Muhalla, il n'est pas permis de prier dans le hammam, les bains publics, de la porte jusqu'à la fin de toutes ces constructions. Sur le dessus du toit ou sur un mur ou quoi que ce soit. Qu'il soit essentiel. Ensuite, il dit, si jamais le hammam s'effondre, il est permis de prier sur la terre sur laquelle il y avait un hammam avant. Il n'est pas permis de prier dans un cimetière, que cela soit un cimetière des musulmans, un cimetière des koufars. Si le cimetière et les morts sont déterrés et sortis de cet endroit-là, il est permis de prier dans cette terre. Les détails, du coup, souvent. Et il n'est pas permis de prier vers une tombe, ni sur une tombe, même si c'est la tombe d'un prophète ou d'un autre. Et s'il trouve que la mosquée est à l'endroit d'une tombe, et qu'il ne trouve qu'un endroit pour prier qu'une tombe, ou un cimetière, ou un hammam, ou d'autres, il ne prie pas dedans. D'accord? Il ne prie pas dedans, il doit prier ailleurs. Tout cela, c'est dans le Muhalla, au volume 2, la page 344 à la page 349. Ce qui concerne A'tan al-Ibil, Al-Hush, pardon, c'est le tout ce qui est les poubelles, les endroits où sont jetés les saletés, etc. etc. Et il dit, Bahadin Maktishi dans le Tashah Lunda, il dit, وأما الحش فبطريق طريق التنبيه عليه بالنهي في هذين الموضعين لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. C'est le cas du hammam aussi. Que ce soit le hammam ou les poubelles, c'est des endroits où il y a des impuretés. C'est des endroits où on trouve des impuretés. C'est pour ça qu'il est interdit. En ce qui concerne l'enclos des chameaux, أما أعطان الإبل فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابد الغنم قال نعم قال أنصلي في مبارك الإبل قال لا رواه مسلم. الحديث جابر أن أم بني القفاة صلى الله عليه وسلم أن أم بني القفاة مسجد الله صلى الله عليه وسلم اللي يجي est-ce qu'on peut prier dans les enclos des moutons? Il a dit oui. Il lui a demandé est-ce qu'on peut prier dans les enclos des chameaux? Il a dit non. Ce hadith est rapporté par Muslim. Ici, la raison de cela, elle n'est pas apparente. Il y a une faïda, c'est qu'ici, on sait que l'urine des moutons et leurs excréments sont purs. Pareil. C'est la voie la plus juste des romains. Peut-être qu'on en a parlé dans Boros et Tahara, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est une grande preuve. Parce qu'on sait que dans les enclos des moutons, il y a forcément de l'urine et des excréments. Toute personne qui a vu les étables des moutons, il sait cela. C'est donc la preuve que c'est pur. Donc il est permis de prier dans ces endroits-là, même s'il y a des excréments et de l'urine. Et pour un berger, par exemple, de prier avec des vêtements, même sur ces vêtements, il y a de l'urine des moutons. Et de l'urine et des excréments de moutons. De même pour le chameau d'ailleurs. La raison de l'interdiction de cela n'est pas l'impureté. Puisqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de l'Uraniyyin, dans le Bukhari, il a ordonné aux malades de boire du lait de chameau mélangé à de l'urine de chameau. Il est interdit de prier dans les enclos de chameau. Et celui qui mange de la viande de chameau doit refaire le wudu. Il y a deux positions ici. Je vous en parle sur la cause de l'interdiction de prier dans les enclos des chameaux. Il y a deux approches. Une approche qui consiste à dire أن العلة في النهي عن الصلاة في معات الإبل وعدم صحتها ما هو أن العلة تعبدية فلا تعقل حكمتها ولا سرها وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا والعلة والحكمة هي ما أمر الشرع به ونهى عنه فذلك كافر للمؤمن. La première position, c'est de dire la cause, la sagesse, la chose que ça, c'est quoi? On ne peut pas la comprendre. Tu n'as qu'à dire, j'ai entendu et j'ai oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une approche qui est intéressante. Pourquoi? Parce que des fois, la cause de l'interdiction de tel jugement, elle est apparente. Pourquoi? Allah, il dit, cette chose-là, elle est haram, parce que ça provoque ça, ça, comme l'alcool, par exemple. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Le diable veut, ce qui signifie le diable veut mettre entre vous l'inimité et la haine par l'alcool et les jeux de hasard. Donc ici, la cause de l'interdiction est bien. L'alcool et les jeux de hasard, ça met l'inimité et la haine entre les gens. Ça provoque des querelles qui vont jusqu'à la mort. Parfois. Alors que là, elle n'est pas apparente. Donc, cette chose-là, elle est intéressante, surtout à notre époque où c'est répandu chez les gens, le madhhab al-aqlani. La question de la rationalisme. Le fait que, presque à la limite, si tu ne lui donnes pas la sagesse d'un jugement, qui est clairement dans le Coran, dans le Hadith, l'Ijma, l'Ulama, ou quoi que ce soit, je dis, moi, je ne fais pas. Bon. Ça peut aller jusqu'au bout de cette semaine. Et la deuxième, sur ce point-là en particulier, c'est qu'effectivement, il y a une illa, c'est la même illa qui a fait que lorsque tu manges la viande de chameau, tu dois faire le wudu. C'est que les chameaux, ils ont avec eux, en général, des shayatin, des démons. Ce sont des animaux qui ont une part, un aspect un peu démoniaque. Pas forcément que c'est un mauvais animal ou quoi que ce soit, mais qui ont un aspect un peu démoniaque. Et surtout, les shayatin, ils habitent dans les enclos des chameaux. Les gens qui connaissent un peu les chameaux savent que ce sont des animaux auxquels il faut faire très attention. Ils peuvent tuer, par exemple. Un animal qui a une grande force. Et certains disent, parmi les bédouins qu'on a rencontrés, qu'ils se vengent, même des années après, du mal qu'on leur a fait. Qu'est-ce qui se dit? Je ferme cette petite parenthèse. Le chart al-khamis, istiqbal al-qibla. La cinquième condition, le fait de faire face à la qibla. C'est connu au Mujma on Ali. Illa finna fila ala rah ala rahila. Illa finna nafila ala rahila. Il y a une erreur dans le mettre que j'ai sur les yeux. Illa finna fila ala rahila tilil musafiri. Fa innahu yusalli haythu kana wajhu. هذا كلام ابن قدامة وقال الشارح لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره اتفق عليه. Il est une obligation de prier vers la Qibla, sauf dans un cas, dans plusieurs cas. Le premier, la personne qui fait une prière surrogatoire sur sa monture alors qu'il est en voyage. Il est permis de prier, de prière surrogatoire sur la monture, alors que la personne est en voyage, quand bien même il n'est pas orienté vers la Qibla. Quand bien même il ne serait pas orienté vers la Qibla. À cause de ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il faisait cela? Pourquoi il faisait cela? Et il faisait l'huître sur son chameau. Son chameau. C'est rapporté par Al-Bukhari aussi. Deuxième cas, والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره, ou la personne qui ne peut pas faire face à la Qibla à cause d'une peur, par exemple, ou autre que cela. Par exemple, quelqu'un qui serait enchaîné, menotté, attaché vers une autre direction que la Qibla. Là, il prie selon ce qu'il peut. Taqullah, mastata'tum. Taqullah, mastata'tum. قال ابن قدامة قال أبو القاسم عن الخرقي وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدى الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا أو راكبا يومئ ماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وجملة ذلك أنه إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة واحتاج إلى المشي أو عجز عن بعض أركان الصلاة صلاة إما لهرب مباح من عدو أو سيل أو سبع أو حريق أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب أو المسابقة والتحام الحرب والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة فله أن يصلي على حسب حاله راجلا أو راكبا إلى القبلة إن أمكن أو إلى غيرها إن لم يمكن. قدامة رحمه الله يسيت لأبوال أبو القاسم الخرقي parmi les anciens du madhab. Lorsqu'il dit, si une personne est recherchée, par exemple recherchée, qu'il est en état de peur, il commence sa salat vers la Qibla, et ensuite il peut la faire vers n'importe quelle direction. Qu'il soit sur sa monture, qu'il soit en train de marcher, D'accord? Il fait la salat par signe, comme il le peut. Et il fait que son sujoud soit plus bas que son rukua, ne serait-ce que par un signe de tête. Oui. Ça, c'est dans quel cas? C'est la personne qui ne peut pas prier autrement, qui doit marcher, ou qui ne peut pas accomplir certains piliers de la salat, car il fuit, par exemple, un ennemi, ou il fuit, par exemple, des bêtes sauvages, ou un incendie, ou autre chose que cela, qu'il ne peut pas, dont il ne peut pas se débarrasser si ce n'est par la fuite. Ou qu'il est dans une bataille et que l'heure de la salat est rentrée, ou qu'elle va sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa salat comme il peut. Salat al-khawf. Il prie comme il peut. Que ce soit vers la Qibla ou pas vers la Qibla. Que ce soit, il fait sa salat par signe. Ça, c'est, on va le voir plus en détail, Inch'Allah, dans le chapitre de Salat al-Khawf, la prière de la peur. La prière de la peur. Et tout cela, c'est dans le Mourni, le volume 1, la page 546. قال ابن قدامة رحمه الله وما عداهما لا تصح الصلاة إلا مستقبل القبلة. En dehors de ces deux cas, la salat de personne n'est valable s'il ne s'est pas orienté, il fait face, s'il n'a pas fait face à la qibla. Ensuite il dit رحمه الله فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها. S'il est proche de la Kaaba, qu'il la voit, il doit prier vers elle réellement. Ça doit se tourner vraiment vers la Qibla, vers le quoi? La Kaaba, la cette construction, le cube. D'accord? فإن كان بعيدا فإلى جهتها. S'il est loin, comme nous par exemple, la plupart des gens sur cette terre, par les habitants de Mecca, et encore du Haram, et encore les gens autour de dans la mosquée, en dehors de ça, on n'y a presque pas, surtout avec ces constructions qu'ils ont faites tout autour, et ces gratte-ciels et ces buildings. Donc, celui qui est loin de la Kaaba, qu'est-ce qu'il fait? Il prie vers la direction. C'est pour ça que dans tel endroit, tu pries vers le sud-est, dans tel endroit, tu pries plein sud, etc. C'est vers la direction. D'accord? C'est pour ça non plus qu'il faut pas exagérer sur les questions de la Qibla. C'est la direction qui est importante. C'est pas au centimètre près. L'essentiel, c'est de pas prier vers, de pas prier vers le Maroc, le patrier vers Satan. Voilà. Il y en a qui doivent prier vers Tel Aviv, Washington. À tout le temps. C'est ça. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين. Jamais la personne ne sait pas où est la Qibla. Et qu'il est en état de résidence. Il demande autour de lui, aux gens. Autour de lui, où est la Qibla? Et il cherche les maharib des musulmans. Là, il est dans un pays d'islam. Il cherche dans les mosquées, tout simplement. Les endroits vers lesquels il s'oriente dans la salat. فإن أخطأ فعليه الإعادة. S'il se trompe dans ce cas-là, alors qu'il a pu demander au quoi que ce soit, il doit refaire sa salat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas excusé ici. Oui? Il n'avait qu'à demander. وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. Et si jamais il ne sait pas la Qibla alors qu'il est en voyage, اجتهد. Il fait un effort de, il cherche, d'accord? S'il s'est trompé, il ne refait pas sa salat. Sa salat, elle est bonne. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر فيتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. Il dit, il pose une question et il dit, si jamais deux personnes mujtahidan, deux personnes qui ont fait un effort d'interprétation divergent dans la Qibla, divergent réellement. C'est-à-dire, il y en a, ils disent dans la Qibla c'est là, et l'autre dit dans la Qibla c'est dans l'autre sens. Eh bien, ils prient chacun vers la direction. Ils prient chacun vers la direction. Et ensuite, il dit l'aveugle, ou celui qui ne peut pas, qui ne sait pas comment s'orienter vers la Qibla, suit celui en qui ils font le plus confiance. Celui en qui ils font le plus confiance. Ashartu sadis, la sixième condition. Anniyatu lissalati bi'iniha. Le fait d'avoir l'intention de prier. Le fait d'avoir l'intention de prier, la prière en particulier qu'on va faire. Alors, l'intention de voir pour le voir, etc. etc. Ici, on cite juste une parole. Et dit, ensuite il dit, pardon, وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرِ بِزَمَنِ الْيَسِيرِ إِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا. Et il est permis, bien sûr, d'avancer la niya, d'avoir l'intention un peu avant le takbir. Un peu avant le takbir. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, ومحل نية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات. Et l'intention, le lieu de l'intention est le cœur et pas la langue. À l'unanimité des musulmans dans toutes les adorations. As-salā wa at-tahāra wa az-zakā wa al-ḥajj wa as-ṣiyām wa al-'itq wa al-jihād wa ghayr dhalik. Il dit l'intention est dans le cœur, dans la prière, dans la purification, dans la zakat, dans le hajj, dans le jeûne, dans l'affranchissement d'un esclave, dans le jihad, mettez dans toutes les adorations. À l'unanimité des musulmans. On ne prononce pas. Il dit un peu plus loin, il dit un peu plus loin. والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة. إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له لا سيما إذا أذى من إلى جانبه برفع صوته. يعني le fait de prononcer l'intention n'est pas obligatoire et n'est pas préférable à l'unanimité des musulmans. Mais au contraire, celui qui dit son intention à voix haute est un mubtadi' qui s'est opposé à la sharia. S'il le fait en croyant que cela fait partie de la législation, c'est un ignorant, égaré, qui mérite un châtiment pour cela, surtout s'il continue à le faire après qu'on lui a expliqué que c'était une bid'a, surtout s'il empêche les gens à côté de lui de prier et d'être concentré dans la salat en élevant sa voix, etc. Tout ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, al-Mujalad al-Thani wa al-Ishroun, Safhat, Safhat al-Ashar wa Mi'atayn. Mi'atayn, il parle bien sûr des gens, ça se fait encore dans notre époque, des gens qui le font, qui avant la salat dit à voix, Nawaitu salat al-Dhuhr al-Ba'a al-Ka'at, Khalfa al-Imam, une bid'a et un dalal. Tout cela, c'est une bid'a et un dalal. Il y a une cite de l'Ijma' sur cette question, car certains mutakhirin prétendent, que cela est le madhhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Al-Shafi'i bari'u min hadhihi al-furya. Al-Shafi'i est innocent de son mensonge. Jamais il n'a incité à commettre cette bid'a. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. أجمل